Hej hej, tym fait mal à mon cœur d'animal. L'immigré de l'intérieur. Tu me provoques des douleurs. Tu me fais mal au cœur. Nous ne sommes pas pareils. Et puis pourtant, on s'émerveille au même printemps. La même lune, aux mêmes coutumes, nous retournerons ensemble comme cendre au même soleil. Si le vent frappe à ma porte pour m'annoncer le réveillon, je repartirai comme marmotte au soleil. À ses premiers rayons, cueillir l'oiseau du paradis à goût de grelot, à son de whisky, chanter la tune comme papillon qui tourne. Aïe aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal. Aïe, aïe, tu me fais mal à mon cœur d'animal.